بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc on continue dans la lecture de la tentative de traduction de l'épître de Cheikh Abu Abd al-A'la Khalid bin Mohammed bin Uthman al-Misri hafidhahullah, épître intitulé Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil Tarifu, Tarifu wa Thamaratu, la science de la critique et de l'éloge, sa définition, son histoire et ses fruits. Et donc, avant donc de reprendre là où on s'est arrêté, je vais encore rappeler certains points aussi, parmi les ambiguïtés que les gens d'innovation suscite autour de cette science et par laquelle ils essayent de combattre cette science. Donc il y a beaucoup donc, de fausses règles qu'ils ont mises. Donc les gens d'innovation ont inventé et contredit la voie de As-Salaf Salih, et ensuite ils ont mis des fausses règles pour se prémunir contre donc, la critique, contre la science de la critique. Donc ils la combattent par des fausses règles pour faire dévier les gens donc de la voie de vérité. Et parmi leurs ambiguïtés, c'est qu'ils disent que cette science, qui est la science de la critique et de l'éloge, hein, ilm al-jarh wa al-ta'dil, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent elle durcit les cœurs. Ils disent, parmi leurs ambiguïtés, ils disent ça durcit les cœurs de critiquer comme ça les prêcheurs, pour eux sont des prêcheurs, alors que sont des prêcheurs donc d'innovation, sont des innovateurs. Donc ils disent ça durcit les cœurs, hein. Donc ça c'est un mensonge. Donc critiquer les innovateurs, critiquer les déviants, ça ne durcit pas les cœurs, hein. Critiquer les déviants, ça ne durcit pas les cœurs. Et comme Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, il a répondu une fois à cette ambiguïté, donc lorsqu'il a entendu cette question, ils disent ça durcit les cœurs. Lui, il a dit mais est-ce que leurs ambiguïtés adoucissent les cœurs, hein? Est-ce que donc leurs ambiguïtés ça adoucit les cœurs, hein? Turaqiq al-qulub, hein? S'ils disent que donc leur donc que la science de la critique et de l'éloge pour eux, hein, ça durcit les cœurs. Hein, on leur pose la question, hein, est-ce que vos innovations adoucissent le cœur, hein? Donc là, c'est parmi leurs ambiguïtés par lesquelles ils essayent de tromper les gens, hein, de tromper les gens. Ils disent aux jeunes, occupe-toi donc d'adoucir ton cœur, hein, donc d'avancer dans certains aspects de la science. Là, c'est une parole de vérité, hein, mais par laquelle il essaie de dévier la personne de connaître les fondements des gens de la sunna, hein, et il essaie donc de le dévier aussi, donc de connaître la vérité, d'être avec la secte sauvée, hein, et donc le groupe qui est victorieux, hein, At-Ta'ifa al-Najiyya wal-Firqatu al-Mansoura, hein, ou Al-Firqa al-Mansoura wa al-Ta'ifa al-Najiyya, qui est la même chose. Donc là, Al-Firqa al-Najiyya, le groupe sauvé, c'est la même chose que Al-Ta'ifa al-Mansoura, hein, la secte triomphante. Parce qu'elle triomphe par quoi? Toujours elle a le dessus, hein, par Al-Haq, par la vérité. Toujours elle triomphe, toujours elle triomphe. Même aux époques où les musulmans n'ont pas l'hégémonie, c'est-à-dire sur terre, hein, n'ont pas l'hégémonie militaire, et donc ils peuvent même subir les kuffars et les colons, hein, mais même dans ces époques, les gens de science, c'est-à-dire les gens de hadith, hein, ils restent triomphants et vainqueurs par quoi? Par la preuve et par l'argument et par la science. Donc ils ont donc la victoire, ils ont donc le succès. Très bien. Et parmi les ambiguïtés qu'ils suscitent, hein, et dans lesquelles ils tombent aussi, et qu'ils propagent pour tromper les jeunes, c'est qu'ils disent les salafs ont divergé. Hmm? Ils disent, mais les salafs aussi, ils ont divergé. Mais est-ce que les salafs, ils étaient toujours, tout le temps, c'est-à-dire sur un même avis, hein? Ils disent que les salafs ont divergé. Hein, donc nous disons, dites-nous sur quoi ils ont divergé. Hein, donc on doit savoir hein, si c'est des points de branche ou bien si c'est des questions de fondement. Les salafs n'ont pas divergé sur des questions de fondement. Ils ont divergé sur des questions de branche, telles que la divergence qui se trouve entre les médailles. Hein? Ça, c'est sur des questions de branche. Mais sur les questions de fondement, au sol, hein, les salafs n'ont pas divergé. Sur les questions de base, ils n'ont pas divergé. Hein? Ils n'ont pas divergé. Malik, par exemple, hein? Il n'a pas divergé avec Shafi'i et avec Ahmed ou avec Abu Hanifa sur des questions de fondement. Ils ont divergé sur les questions de branche, les questions de fiqh. Hein? Et donc, on leur pose la question, sur quoi les salafs ont-ils divergé? Hein? Sur des fondements ou sur des questions de branche? Par exemple, quelqu'un qui est apparu dernièrement sur le YouTube, sur ce site anarchique, hein, le YouTube, donc quelqu'un qui a une chaîne là-bas, Ayman TR, il avait même dit, hein, il avait même dit que Abu Bakr et Omar, hein, pour lui, Abu Bakr wa Omar pour lui, divergé au point qu'ils n'avaient presque rien en commun. Hein, imaginez cette parole. Il dit d'Abu Bakr et de Omar. Donc ça c'est grave et très grave. Il dit de Abu Bakr et Omar, ils n'avaient presque rien en commun. Hein? Regardez ce mensonge. Hein? Regardez ce mensonge. Donc nous on dit, est-ce que Abu Bakr et Omar n'avaient pas en commun la aqida? Est-ce qu'ils n'avaient pas en commun les piliers de la foi et les piliers hein, de l'islam, arkan l'iman ou arkan l'islam? Est-ce qu'ils n'avaient pas en commun donc beaucoup de questions donc de al halal ou al haram? Hein? Est-ce qu'ils n'avaient pas en commun donc beaucoup de choses? Oui, il dit ils n'avaient presque rien en commun. Hein, donc là, c'est un trompeur. Donc là, il s'avère que cette personne, donc c'est une personne intruse dans la da'wah. Hein, c'est un intrus. Hada dakhil. Wa hada ya'ni dakhil ala da'wah. Wa hada ya'ni muta'alim. Tasaddara li da'wah. Wa huwa ya'ni la ya'lamu shay'an. Taqriban la ya'lamu shay'an ani l'islam. Wa yad'u ila yaz'um annahu yad'u. Donc là, et parmi aussi les contradictions des gens d'innovation, hein, donc, ce qu'ils disent par exemple, parmi leurs contradictions, c'est qu'ils tombent aussi dans quoi? Dans la contradiction. Hein? Donc, ils disent par exemple, on ne fait pas de la critique et de l'éloge. Ils disent il faut s'éloigner de cela, mais eux ils font cela. Du jour du matin au soir, ils font cela. Ils sont en train de critiquer qui? Ils sont en train de critiquer les gens de vérité. Malheureusement, nous on critique les déviants, voilà un tel il a contredit le fondement de l'islam. Eux au lieu de répondre scientifiquement et de dire voici ce qui se trouve dans le texte. Hein, voici ce qui se trouve dans le livre, dans la sunna. Hein, donc non, voilà comment il faut prendre la chose. Au lieu de répondre scientifiquement, ils vont venir et susciter des ambiguïtés. Mais eux, ils disent, on ne traite pas de ces questions de la critique et ainsi de suite, alors qu'ils sont en train de faire de la critique. Hein. Comme avait fait donc ce derrière qui est Mohamed Hassan, qui est cité dans cette risale-là. Hein, qui avait donc fait tout un cours, Risala ila Ghulat al-Jarh wa al-Ta'dil. Un cours où il est en train de critiquer les gens de science, où il est en train de mentir, puisqu'il a apporté des fatwas très anciennes et il a caché les fatwas récentes. Hein. Donc là, il était en train de faire lui aussi de la critique et de l'éloge. Et comme fait donc quelqu'un qui est connu en France aussi, malheureusement, qui est Hassan Iqiyoussen, un ikhwani qui défend le benna, l'égaré le benna. Donc lui aussi, il est en train de critiquer cette science, il est en train de critiquer les gens qui s'occupe des mises en garde, de réfuter les innovateurs et ainsi de suite. Pour lui, c'est pas des innovateurs. Donc pour lui, donc il ne faut pas donc s'occuper de ces questions. Il faut laisser tout le monde, ceux qui veulent dire une chose, hein, la propager et la dire, hein, et donc propager les innovations et les ambiguïtés et les faussetés et les égarements. Hein. Et comme avait fait donc ce Ayman dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, aussi, il a même intitulé lui, il a intitulé une vidéo, il a mis une mise en garde contre les mises en garde. Hein. Hein? Comme une fois, Cheikh, qui est sunni, salafi, qui est Abdeslam Noubarjis, il était en train donc de s'énerver contre cela, il a mis un cours, il a mis Jarh al-Jarh wa al-Ta'dil, critiquer la critique et l'éloge. Il a dit comment? Ça c'est une science noble, donc les gens doivent respecter les avis des gens de science, hein? Lorsque donc des avis émanent donc des gens de science tels que l'Albani ou le Jami ou Mokbil, hein, ou Rabi' al-Madkhali ou Zayd al-Madkhali ou Mohamed ibn Hadi ou Abdul Bukhari, les avis émanant des gens de science et les critiques, il faut les respecter. Hein, alors que cette personne, il a intitulé ce Ayman, TR, il a intitulé Mise en garde contre les mises en garde, où il est en train donc de dire, hein, qu'il ne faut réfuter presque personne. Lui, il a dit, ce qu'il faut réfuter, c'est par exemple le Qadianiyya, qui disent qu'on se contente de le Coran et on ne cherche pas les hadiths et on n'a pas besoin de les hadiths. Il a dit, ces gens, je suis d'accord de les critiquer, mais les autres, donc il faut les laisser dire ce qu'ils veulent. Hein. Donc, regardez cet égarement. Cet égarement. Et comme avait fait aussi Rachid Abu Hudayfa, Rachid Jay, qui se nomme maintenant Rachid Jay, et je ne sais pas comment il va se nommer plus tard, mais il a changé son nom dernièrement. Donc, lorsqu'il a pris un livre donc de la Sunna, Ibn Adi Ibn Battah, et il a vidé ce livre de son contenu. Il a expliqué, donc, comme il le prétend, hein, il a essayé de l'expliquer dans quelques assises. Mais qu'est-ce qu'il était en train de lire? Il était en train de lire les paroles d'Ibn Battah. Il était en train de dire, oh, donc ça c'est une parole qui est grave. On ne doit pas nous comporter comme cela à l'égard de nos frères. On ne doit pas prendre cela comme vraiment, on va appliquer par exemple le Hajr, ou on va appliquer cela, ou on va considérer cela comme une innovation. Il était en train de vider le livre de son contenu. Il était en train de le lire aux gens, il était en train de dire, mais ça c'est grave, il ne faut pas le prendre dans ce sens. Hein? Il était en train de vider le livre de son contenu. Chose à laquelle donc, ne fait pas attention le débutant. Par exemple, les convertis en France et ainsi de suite, lorsqu'ils regardent cette personne parler, ils pensent que c'est une personne qui prêche la douceur et qui prêche la vérité et ainsi de suite, et que ça c'est l'islam donc modéré et ainsi de suite, alors qu'il ne prêche pas la douceur ni la modération, hein, ni le juste milieu. Il prêche la dureté en réalité, parce que encourager les innovations, c'est encourager la dureté. Encourager l'innovation, comme avait dit Cheikh Rabi tout à l'heure, hein, c'est donc les innovations qui font que le cœur il est dur. Et comme aussi avait répondu Cheikh Al-Fawzan, lorsque on lui a dit que des gens disent que critiquer les innovations, ça durcit les cœurs, hein, et ainsi de suite, il a dit non. Critiquer les innovations, c'est parmi les choses qui adoucissent les cœurs. Hein, mais qui comprend cela, hein? Parmi les choses qui adoucissent les cœurs. Et donc, propager la bonne aqida et propager la sunna, ça c'est parmi les choses qui adoucissent le cœur. Hein? Et donc il n'y a pas mieux qui adoucit le cœur que la aqida. Que la aqida. Hein? Par exemple, ce Ayman, il dit que donc on ne doit pas faire les cours sur tawhid, etc. et sur shirk. Pour lui, le shirk, il est déjà terminé. Et le problème des musulmans, c'est pas shirk. Hein? Et qu'est-ce qu'il faut propager? C'est seulement des cours qui rappellent. Des rappels, hein, parce que donc pour lui les gens ils sont tombés dans le rafla et non pas dans le shirk, hein. Donc ce qui montre qu'il ne conçoit même pas le vrai problème de la communauté islamique, hein, chose qui est grave. Donc là, ces gens, donc, ils font de la critique, hein, de la critique et de l'éloge. Jarh al-jarh al-ta'dil, malheureusement. Donc ils sont tombés dans ce genre d'égarement profond. Ça, c'est un égarement profond, hein, que de critiquer la science de la critique et de l'éloge. Très bien, donc après cela, on va revenir à ce que nous apprend le Cheikh Abu Abd al-A'la dans sa risala. Et donc la dernière fois, on était en train donc de lire une citation de l'imam al-Jawzani, où il était en train de dire quels sont les critères sur lesquels il s'est basé, hein, pour classifier les hommes, les rapporteurs, hein, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et donc il est rentré, il va commencer à nous énumérer, par exemple, une première secte qui est la secte de l'Khawarij. Il va nommer des noms des chefs de file de cette secte qui est les Khawarij, hein, les rebelles à peu près, hein, les Khawarij. Les Khawarij se signalent par le fait de se rebeller contre le gouverneur et par le fait aussi de rendre mécréant le pécheur. Donc c'est parmi les caractéristiques manifestes de, donc, des Khawarij, c'est qu'ils donc n'entendent pas et n'obéissent pas au gouverneur, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est qu'ils font takfir par le péché. Par le péché. Yukafirun bil kaba'ir. Et à notre époque, il y en a qui font takfir bil kaba'ir par certains kaba'ir et non pas par d'autres. Tel que le Huwaini, par exemple. Il fait takfir par certains kaba'ir. Et Cheikh Albani, donc, il a remarqué cela. Il a dit, donc, ceux qui sont contemporains, ils font takfir par certains kaba'ir et pas par d'autres. Est-ce pour tromper les gens ou bien est-ce que c'est donc un nouveau principe chez eux qu'ils font cette distinction entre certains kaba'ir, hein? Donc là, ceux qui font takfir par kaba'ir, ils rentrent dans le khawarij, hein? Le khawarij, comme vous le savez, il y a des khawarij qa'adiyya, c'est-à-dire ceux qui font les doros, c'est sur les manabir, ils incitent les gens à se rebeller, hein? Alors qu'il y a les khawarij qui vont prendre l'arme et qui vont se rebeller et qui vont sortir, hein, et qui vont brandir l'épée, hein. Donc là c'est le Khawarij proprement dit, hein. Alors que le Qa'adiyya aussi, il ne faut pas oublier leur mal, il ne faut pas oublier que c'est aussi donc des Khawarij, hein. Donc ça, ils méritent pleinement donc le qualificatif de Khawarij. Très bien. Donc là, l'imam Jouzezani, après avoir mentionné un certain nombre de critères, il a dit, je commence donc par mentionner les Khawarij, hein, puisque c'était la première innovation, hein, qui apparut dans l'islam. La première innovation qui se manifesta, hein, et qui donc devint donc apparente, hein, c'est les Khawarij, qui se sont constitués et que les musulmans devaient combattre. Donc là, c'était la première innovation. Alors que, à une époque, hein, aussi, il y avait l'émergence, donc aussi, donc d'autres innovations, hein, telles que le Qadariya et ainsi de suite. Mais en quoi cette secte, elle est première, la secte de l'Khawarij? C'est parce que son chef de file, de l'Khawaisir al-Tamimi, il a posé la question même au prophète. Il a manifesté sa bid'a, hein, et cet égarement devant le prophète, alayhi sallam, de l'Khawaisir al-Tamimi. Il a posé la question devant le prophète, alayhi sallam. Donc là, le cheikh, l'imam, il a dit, c'était la première innovation apparue dans l'islam, dans l'ère du messager, alayhi sallam, hein, d'abord, hein, donc elle est apparue, donc, pendant, ou bien du vivant du prophète, alayhi sallam. Donc il a dit, je vise At-Tamimi, hein, de l'Khouaïsir At-Tamimi. Je vise At-Tamimi, il a dit. At-Tamimi qui dit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, sois équitable. I'dil ya Muhammad. Il a dit, oh Muhammad, sois équitable. Hein. Regardez, donc l'injustice qu'il y a dans cette parole. Il a dit, I'dil ya Muhammad. Donc là, c'est un homme qui s'est égaré, hein, qui s'est égaré et que, donc il était mentionné par les muhaddithines et par les gens de science que cet homme faisait partie des munafiqines, hein, faisait partie des munafiqines qui ont été révélés à Huzayfa ibn al-Yaman, qui avait la liste des munafiqines. Le prophète lui a donné quels sont les noms des munafiqines, Hein? Il figurait parmi eux, cet homme. Hein? C'était un munafiq. C'était pas un véritable croyant. Donc c'est pourquoi il a dit cette parole grave hein, au prophète, alayhi sallam. Hein, il a dit, sois équitable. Donc le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avait décrit ses semblables. Il a décrit ceux qui ressemblent à cet homme et qui est Adul Khouaïsira. Il les avait montrés et peints de la meilleure façon. Le prophète, il a décrit et il a décrit à plusieurs reprises les Khawaris. Hein, de la meilleure façon. Ensuite, il a dit le cheikh, ensuite ils remuèrent hein, aussi auprès, ou bien ils remuèrent, ils s'agitèrent et ils se sont manifestés. Hein, ils sont apparus, ils remuèrent auprès, après quoi? Après le messager, alayhi sallam, après la mort du messager, ils sont encore apparus. Hein, lorsqu'ils avaient divisé le groupe hein, de la communauté, lorsqu'ils avaient déstabilisé l'équilibre de son union, de la communauté, hein, ils avaient nui à eux-mêmes d'abord, puis à la communauté finalement. Ils avaient nui à eux-mêmes d'abord en se frayant ce chemin d'égarement, et aussi à la communauté hein, lorsqu'ils vont tuer Uthman radiallahu anhu, hein, et lorsque ils vont s'opposer à Ali radiallahu anhu, hein, donc là c'est des khawarij. Les gens ont relégué leurs hadiths en les accusant, hein, ils ont relégué leurs hadiths, ils ont négligé ahdaru hadithahum لم يأخذوا منهم en les accusant واتهموهم ils les ont accusés c'était pas des gens dignes de porter le hadith du messager alayhi sallam en les accusant il y a parmi eux il va citer des noms regardez ça c'est parmi les imams de dans la piété al-Jawzani hein et il va citer des noms hein parce qu'il y a des gens qui disent faut pas citer les noms il faut pas faire ceci il faut pas faire cela hein, voici les imams de la piété. Donc, c'est quoi? Il cite les innovateurs. Il a cité, il a dit, un, Abdullah ibn al-Kawwa. Hein? D'accord? Abdullah ibn al-Kawwa. C'est leur chef. Hein? C'est leur chef lorsqu'ils vont apparaître de les, donc, à l'époque de Ali radiallahu anhu, c'est leur chef. Hein? Abdullah ibn al-Kawwa. Deuxièmement, Abdullah ibn Rasib. Abdullah ibn Rasib, hein, deux. Trois, Shibt ibn Rabi', hein, le premier à avoir autorisé Al-Haruriya. Quelqu'un qui s'appelle Shibt ibn Rabi', c'est le premier à avoir autorisé, Awwal man ahalla Al-Haruriya. C'est le premier à avoir dit que Al-Haruriya, ils sont sur une vérité, hein, et ce qu'ils sont en train de faire, il est licite. Ça, c'est leur. Hein, donc, le premier à avoir autorisé cela. D'accord? Le Haruriya, c'est donc par rapport à la région où ils se sont donc regroupés, où ils se sont rassemblés. C'est Harura. Et ils étaient qualifiés de Haruriya, eux. On les a qualifiés de, voici les Haruriya. Hein? D'accord? Donc, le premier à avoir autorisé Al-Haruriya. Quatrièmement, Malik ibn al-Harith. Malik ibn al-Harith. Cinquièmement, Abu Bilal Mirdas ibn Adiya. Ou bien ibn Adiya. Ibn Adiya. D'accord? Abu Bilal Mirdas ibn Adiya. Sixièmement, son frère Urwa ibn Adiya. Donc il est en train de dire leur nom. Hein? Septièmement, Nafi' ibn al-Azraq. Nafi' ibn al-Azraq. C'est parmi leurs chefs, au point que donc. Un groupe parmi eux, il était nommé Al-Azariqa. D'accord? Al-Azariqa, nisbatan ila hadha ar-rajul. Donc, en rapport avec cet homme qui est Ibn al-Azraq. Ibn al-Azraq. Nafi' ibn al-Azraq. Huitièmement, Najdat ibn Amir. Najdat ibn Amir. Au point qu'un groupe ancien, il s'est fait appeler Al-Najdat. Al-Khawarij Al-Najdat. D'accord? Et neuvièmement, Sa'sa'a ibn Ibn Sawhan, d'accord, Sa'sa'a ibn Sawhan, c'est parmi leurs chefs. Puis, hein, donc il a dit, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il a continué à les énumérer. Donc après cette citation, fin de la citation de l'imam Al-Jawzani, Cheikh Abu Abdallah a commenté, il a dit, je dis, Voici comment Al-Jawzani avait entamé son livre par la mention des noms des premières têtes de l'innovation des Khawarij qui sont apparus. Il les décrit comme étant la cause de division de la communauté. Hein? Donc eux, ils disent, nous on veut réunir la communauté, on veut renforcer la communauté, on veut faire le jihad pour que la communauté ne soit pas dans un état de faiblesse et ainsi de suite. Alors qu'ils sont en train de détruire la communauté. Hein? Donc là, il les décrit hein, comme étant la cause de la division de la communauté. Mais quand les imams de notre époque, hein, il a dit le Cheikh Abu Abd al-A'la, quand les imams de notre époque, de cette époque, hein, quand les imams de notre époque empiètent les traces des imams passés, lorsqu'ils vont faire comme avaient fait les imams passés, hein, comme Al-Jawzani par exemple, en dénombrant les têtes des gens d'innovation au temps présent, hein, lorsqu'ils vont nommer, ils vont dire un tel c'est un innovateur, un tel c'est un innovateur, hein, notamment les chefs des Khawarij qui divisent la communauté hein, depuis longtemps. Alors les insignifiants, hein, donc les Rouaibidat, hein, les insignifiants hein, de cette époque, de notre époque actuelle, accusent les imams hein, de division et de zizanie. Ils vont dire, vous êtes en train de diviser la communauté. Hein, vous êtes en train d'indiquer les gens et vous êtes en train donc de critiquer les gens. Hein, ils vont accuser les gens de science, de quoi hein, ils vont les accuser de division, de at-tafriqa et de la zizanie, de al-fitna. Ils vont dire, c'est vous qui divisez la communauté. Alors que c'est les innovations et les innovateurs qui divisent en réalité la communauté. Donc il a dit, le Cheikh, il a dit, nous demandons d'Allah la patience et la fermeté dans cette ère d'étrangeté. Hein? Il a dit, le Cheikh, après cela, nous ne connaissons pas un parmi les savants notoires qui aurait considéré la critique acerbe des gens de patience qui contredisent la méthodologie des pieux prédécesseurs comme relevant de l'excès. Hein? Il n'y a pas donc à l'époque ancienne quelqu'un qui aurait traité Al-Jarh al-Ta'dil comme étant relou, comme étant de l'excès. Hein? Mais à notre époque, ce dénommé Hassan, il a considéré que Al-Jarh al-Ta'dil c'est de l'excès. Hein? Il a considéré que Al-Jarh al-Ta'dil c'est de l'excès. Parce que donc Al-Jarh al-Ta'dil, il a critiqué sa secte des frères musulmans. Parce que lui, c'est parmi les frères musulmans, parmi le Qutbiyyin. Parmi les frères musulmans, même il est sorti dans les manifestations, lui. Il est descendu, lui et sa femme, hein, donc une famille de Khawarij. Lui et sa femme, il a dit, « Ana wa zawjati wa abna'i, on est sorti dans la rue pour manifester contre le gouverneur, et ainsi de suite, ce qui était à l'époque, Husni Mubarak. Hein. » Donc là, c'est une voix qui contredit la voix de As-Salaf Salih. Donc là, il ne s'agit pas de se laisser tromper par ces discours et par ces choses, hein. Il faut suivre les enseignements du messager, alayhi salatu wasalam, vis-à-vis de ces crises, hein, fi hadhihi al-fitan, vis-à-vis de ces crises, telles que la crise qui est, apparue, donc, dans la communauté, et qui a été baptisée par les kuffars, et par les francs-maçons, et par les juifs, et ainsi de suite, comme étant un printemps arabe, Rabi al-Arabi. Alors que c'est un printemps pour les juifs, pour les ennemis de la Ummah. Parce que cela fait que donc des pays entiers ont été détruits. Hein? Des pays, hein, notamment la Syrie. La Syrie a été, hein, donc ce pays, il est détruit par ces troubles. Donc là, le Cheikh l'a dit, il n'y a pas donc à l'époque ancienne quelqu'un qui aurait qualifié Al-Jarh al-Ta'dil comme étant de l'excès. C'est au contraire, il considérait cela comme une bonne qualité du critique. Considérer que celui qui a la fermeté et qui a vraiment donc le courage de combattre les gens d'innovation, il considérait que cela c'est une qualité. Hein, il considérait cela comme étant une qualité. Il considérait cela comme une bonne qualité du critique. Hein, comme Al-Hafid avait dit dans Al-Isaba, hein, le volume numéro 3, page 130, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Samurat ibn Jundub, hein, radiyallahu anhu, était dur envers les Khawarij. Hein, كان شديدا على الخوارج. Hein, c'est pourquoi il le détractait. ولهذا كانوا يطعنون فيه. لأنه كان شديد على الخوارج. Hein. Et donc ça c'est un sahabi qui était dur, hein, donc la dureté dans le haq, une dureté louable, il était dur à l'égard des innovateurs qui sont les khawaj. Fin de citation. Et Ahmed, hein, rahimahullah, avait dit, si tu vois un homme évoquant en mal Hamad ibn Salama, accuse-le sur son islam. Hein, puisqu'il était dur, hein, envers les innovateurs. Hein. Et ça c'est dans As-Siyar, le volume numéro 7, page 448. Hein, Ahmed, rahimahullah, il a dit, si tu vois un homme évoquant en mal Hamad ibn Salama, alors, hein, tu vas accuser cet homme de quoi? Tu vas l'accuser sur son islam. Fattahimhu ala l'islam. C'est-à-dire, est-ce qu'il est musulman ou non? Celui qui va oser s'attaquer à Hamad ibn Salama, ittahimhu ala l'islam. Pourquoi? Parce que Hamad ibn Salama était dur envers qui? Envers les innovateurs. C'est seulement quelqu'un qui ne veut pas le haq, hein, qui va oser, s'attaquer à Hamad ibn Salama, rahimahullah. Et ça, c'est une citation, comme je vous ai dit, c'est dans le livre de As-Siyar, de Al-Zahabi, rahimahullah. Et donc, le volume numéro 7 et la page 448. Et Malik, rahimahullah, avait dit, Ibn Hormuz parlait peu, et il critiquait durement, les gens d'innovation. Il était le meilleur à connaître leurs divergences, ainsi que Abdurrahman Abdul Qasim. Hein? Donc voilà comment il a décrit Malik, comment il a décrit ce Ibn Hormuz. Hein? Il a dit, il parlait peu. Hein? D'accord, il parlait peu et il critiquait durement les gens d'innovation. Il était le meilleur à connaître leurs divergences, ainsi que Abdurrahman. Hein, Abdul Qasim, et c'est dans Manaqib Malik de Az-Zawawi. C'est parmi les savants de Al-Malikiya, ce Az-Zawawi. Page 152. Qutaybah ibn Sa'id dit, Omar ibn Harun était dur envers les Murji'ites. Hein? Il mentionnait leurs défauts et leurs épreuves. Hein? Il mentionnait leurs défauts, leurs erreurs, ainsi que leurs épreuves, wa fitnatahum, hein? Et leurs épreuves. Et ça, c'est une citation prise de Tarikh Dimashq, le volume 45, d'accord, la page 365. Hein? Regardez donc la motivation des gens de science et donc le himma. Hein? Donc, ça, c'est le volume 45, page 365. Abu As-Salt al-Harawi dit dans la biographie d'Ibrahim ibn Tahman, hein, qu'est-ce qu'il a dit dans de la biographie de cet homme, qui est Ibrahim ibn Tahman, il a dit, il était dur envers Al-Jahmiya. Hein, et ça, c'est une citation qui se trouve dans As-Siyar, le volume numéro 7, page 380. C'est-à-dire, il disait qu'au KNS fait Didan, envers les gens d'innovation. Abdullah ibn Ahmed, le fils de l'imam Ahmed, dans Al-Ilal fi Ma'rifati Rijal, le volume numéro 2, page 158. Il a dit, j'ai entendu mon père dire, et Abu Ismata était dur envers Al-Jahmiya et quand il les critiquait. Hein, Abu Ismata était dur envers Al-Jahmiya et quand il les critiqua. Quand il les critiquait. D'accord? C'est de lui que Nu'aym ibn Hammad avait appris à les réfuter. C'est de lui qu'il avait appris à les réfuter. D'accord? Voilà. Donc fin de citation. Il a été relaté dans la biographie de Yusuf ibn Yahya al-Buwayti. Hein, al-Buwayti, hein, il était dur envers des gens d'innovation aussi. D'accord? Et c'est dans Tabiin Kadib al-Muftari, la page 348. Ibn Rajab dit, dans la biographie de al-Barbahari, fi tarjamat al-Barbahari, l'imam al-Barbahari, D'accord? Il a dit, c'est le cheikh de la secte, hein, c'est-à-dire de la secte sauvée. Au cheikh au tariqati fi zamani. Il a dit, donc, du Berbehari, voici dans sa tarjama, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le cheikh de la secte, hein, à son époque. D'accord? Au cheikh au tariqati fi zamani. C'est-à-dire le cheikh des gens de la sunna à son époque. D'accord? Et il est à son tête, hein, wa huwa ala ra'siha. Et il est à son tête quand il s'agit de blâmer les gens d'innovation. Hein, quand il s'agit de blâmer les gens d'innovation, Al-Berbehari était, hein, donc, à la tête des gens de la sunna. Hein, de séparer d'eux, hein, ou bien de se, donc, de se séparer d'eux par l'acte et l'innovation. C'est-à-dire, par l'acte et par la langue. D'accord? C'est-à-dire donc lorsqu'il s'agit de se séparer vis-à-vis des gens d'innovation ou de les critiquer, hein, se séparer d'eux par l'acte et par la langue, il était le premier à le faire. D'accord? Je répète sa citation, il a dit, c'est le cheikh de la secte à son époque et il est à son tête quand il s'agit de blâmer les gens des innovations, hein, de se séparer d'eux, hein, par l'acte et par la langue. C'est dans Tabaqat al-Hanabila, le volume numéro 2, page 18. Hein? Et le cheikh l'a continué, il a dit, et ainsi de suite, parmi les exemples parsemés dans les livres de biographie, fi kutub tarajim, hein, dans les livres de biographie, cheikh al-Islam, hein, Ibn Saymi, rahimallah, avait dit, dans Naqd al-Mantiq, la page numéro 12, il avait dit, celui qui réfute les gens des innovations est un combattant, Mujahid, est un combattant. Hein, au point que Yahya ibn Yahya disait, la défense de la sunna est meilleure que le combat, hein, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah. La défense de la sunna est meilleure que le combat, hein, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah. Et donc, la défense de la sunna. Très bien. Après cela, Cheikh Abu Abd A'la passe à un autre point. Il a dit, les savants sont unanimes sur l'obligation de mettre en garde contre les gens des innovations et des passions. Ils ont averti contre le fait de s'asseoir, ils ont averti contre le fait de s'asseoir avec eux. Hein, les gens d'innovation, ils ont averti contre le fait de s'asseoir avec les gens d'innovation. Il ne s'agit pas de s'asseoir avec les gens d'innovation. D'accord? Il va nous citer, hein, des paroles des imams de la sunna, comme quoi ils mettaient en garde contre le fait de s'asseoir, hein, avec les gens des innovations. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, dit, j'ai côtoyé les meilleurs gens, hein, j'ai côtoyé les meilleurs gens, ils étaient tous des gens de la sunna, et ils défendaient de se réunir avec les gens d'innovation. Hein. Et il défendait de se réunir avec les gens d'innovation. D'accord? Hein? La yajlisuna ma'a ahl bid'a. D'accord? Le mujalasa. Mujalasa, c'est-à-dire, qui n'est pas le fait de, donc, pour un objectif précis et donc, s'arrêter. Mujalasa, c'est-à-dire, avec l'uns, avec le fait, donc, d'échanger avec eux des amitiés, et donc de se sentir donc bien avec eux en leur compagnie, c'est ça, c'est al-mujalasa ala sabil al-ilf wal-mu'anasa, alors que aller les visiter pour leur donner un conseil et donc retourner, hein, ça c'est possible, surtout lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils sont donc sur le point de mourir, hein, lorsqu'ils donc là leur prodiguer le conseil, peut-être qu'ils vont revenir au dernier moment de leur vie et les sauver de cet égarement, ça c'est une chose permise. Hein. Mais les conseiller donc de loin, hein, aussi, il est meilleur, hein, de les conseiller par l'écriture ou par en envoyant un message, hein, ça aussi c'est meilleur, surtout dans les discussions avec les gens et ainsi de suite. Donc là, le munasaha, comme dit Cheikh Mohammed bin Hadi, Al-munasaha la taqtadi al-mujalasa. Si vous voulez donner un conseil à quelqu'un, cela ne veut pas dire que vous allez vous asseoir avec lui pour lui donner ce conseil. Vous pouvez lui envoyer un petit message où vous lui rappelez, hein, de revenir à al-haq et donc de respecter les gens de science et de prendre donc les avis des gens de science, hein, et non pas donc de s'occuper à écouter les innovateurs. Très bien. Donc là, c'était une première citation. La deuxième citation, Abu Uthman As-Sabuni, rahimahullah, avait dit dans Aqidat As-Salaf wa Ashabi Al-Hadith. Hein, la page 123. Il a dit, et ils se sont mis d'accord, c'est-à-dire les gens de la Sunna. Il est en train donc de rapporter un ijma'. Et ils se sont mis d'accord, wattafaqu. Et ils se sont mis d'accord sur la parole de dominer les gens des innovations. Hein? De dominer les gens des innovations. D'accord? De les rabaisser. Hein? De les rabaisser. De rabaisser les gens des innovations. D'accord? De les avilir. De les éloigner. De les avilir. Ihanatihim. De les éloigner. Ib'adihim. D'accord? De les éloigner. Hein? De les éliminer. De les éloigner, hein, de s'écarter d'eux, de s'éloigner de leur compagnie et proximité, de s'approcher d'Allah Azza wa Jal par la séparation qu'on marque envers eux, hein, par leur boycott. Hein, d'accord? Le fait de voir que c'est une piété, que c'est une adoration que de s'éloigner des gens d'innovation. Donc là, ça demande des gens, c'est-à-dire qui vont travailler cela, c'est-à-dire dans le sens, hein, d'une adoration, hein, et non pas donc les fréquenter. Voilà, donc la troisième citation, il a dit Ibn Battah rahimahullah, hein, dans Al-Sharh wal-Ibana, le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, parce qu'il a l'Ibana al-Sughra et l'Ibana al-Kubra, lui il était en train donc d'expliquer l'Ibana al-Sughra, il était en train de vider Ibn al-Sughra de son sens, il était en train de dire, voilà, mais ça c'est un texte qui est dur. Comment il faut le comprendre? Le temps il a changé maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà comment on va comprendre ce texte. Hein, il était en train donc de falsifier les textes des imams de la Sunna. Ibn Battah c'est un imam de la Sunna. Venir prendre son texte, ou bien ce qu'il rapporte des imams de la Sunna et leur donner un autre sens, hein, pour que cela soit assorti, hein, et que cela convienne à la situation que lui il vit donc dans sa vie privée en France, hein, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Donc là les textes ils sont clairs, alhamdoulillah, ça c'est des livres des gens de science, leur athar comme ce qu'on est en train de lire maintenant, ils ont un sens qui est clair, hein. Par exemple lorsqu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire ils boycottaient les gens d'innovation, hein. Lorsque tu dispenses le conseil à quelqu'un, il ne veut pas se séparer d'un innovateur. Tu vas donc t'éloigner de cette personne. Et non pas que tu vas continuer à le fréquenter et ainsi de suite, il va te fatiguer. Parce que lui, il est malade. Hein? Il est malade. Donc là, qui est maintenant en situation de danger? C'est le fait que donc celui qui est sain, il va côtoyer celui qui est malade. Hein? Comme il y a dans un verre, un très beau verre, c'est-à-dire que la yanfa'u as-saqimata qurbu sahihatin walakin as-sahihata tamradu. Hein? C'est-à-dire le fait que celui qui est sain, hein, il va côtoyer celui qui est malade, alors qu'il a une maladie contagieuse par exemple. Hein? Le fait de se rapprocher de lui, cela ne profite pas à ce malade. Mais le problème, c'est que celui qui est sain, il va devenir malade. وَلَا يَنْفَعُ السَّقِيمَةَ قُرْبُ صَحِيحَةٍ وَلَكِنَّ الصَّحِيحَةَ تَمْرَدُ. Donc là, il faut faire attention à cela, parce que lorsqu'on fréquente des gens d'innovation, ils risquent de nous rendre malades. Hein? Et comme on dit les gens de la Sunna, hein, donc mukhalatatuhum mumrida lil qulub, hein, mumrida lil qulub, hein, ou mamrada lil qulub, c'est une maladie pour les cœurs, c'est très grave, hein, lorsqu'on vit la foi, lorsqu'on vit la aqida, lorsqu'on vit avec les textes de la sunna, hein, il s'agit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas fréquenter ces gens et de ne pas s'aventurer et de ne pas mettre en danger notre manhaj et notre croyance et nos croyances et nos idées et ainsi de suite. Donc là il s'agit donc de vivre avec cela et de respecter le manhaj de As-Salaf et donc de s'éloigner des gens d'innovation et d'agir à leur égard avec beaucoup de scrupules et donc beaucoup d'attention. Leur envoyer un conseil, par exemple, s'il ne revient pas, tu peux donc lui donner, par exemple, aussi un charrette ou bien un livre que tu juges. Il va corriger une idée qu'il a de cette personne. Après, donc là, tu t'éloignes de lui. Parce que le haq, il est manifeste. Hein? Mais il y a des gens, même si tu vas lui donner 1000 preuves, il ne va pas revenir. Il ne va pas accepter. Comme avait dit Cheikh Al-Albani, « Talib al-haq, yaklihi dalil. »« Wa sahib al-hawa, yani, laysa lana alayhi sabi. » Celui qui veut la vérité, il se suffit d'une preuve. Tu lui montres une preuve, une lueur de lumière, une lueur. Il va s'accrocher à cela, il va dire « Jazakallahu khair ». Alors que celui qui est malade, qui a le cœur malade, hein, même si tu vas lui donner 1000 preuves, hein, il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Hein. Nous donc, ne possédons pas donc, de changer son cœur. Son cœur, il est entre les doigts du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on fait dua pour ces gens qui sont éprouvés. Donc là, Ibn Battah, rahimahullah, dans Al-Sharh wal-Ibana, page 282, avait dit, hein, et il fait partie de la sunna, wa min as-sunnati, hein, il fait partie de la sunna de s'écarter de tout un chacun qui croit en une chose, hein, c'est-à-dire min hadihi al-ashya, c'est-à-dire les innovations, en une chose, min hadihi al-ashya. Lorsqu'il a dit hadith al-ashya, c'est-à-dire qu'il ne va pas appeler cette chose pour la dénigrer. Hein? Comme lorsque le prophète alayhi sallam dans le hadith célèbre, lorsqu'il a dit donc il a laissé la chose donc, sans la répéter. Hein? Alors que la chose qui a de la valeur, parce qu'il a dit وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il n'a même pas cité la récompense. Il a dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est pour valoriser. Et l'autre pour la dénigrer, il a dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Il n'a pas même nommé cette chose. Il n'a pas dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Il a dit plutôt فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Regardez cet imam s'inspirant de ce style. Hein, donc enseigné par le prophète, il a dit, hein, donc et fait partie de la sunna de s'écarter de tout un chacun qui croit en une chose, hein, parmi ce que nous avons exposé. Hein, donc de faire quoi? De s'écarter de tout un chacun, hein, qui croit en une chose, hein, c'est-à-dire parmi les innovations, en une chose parmi ce que nous avons exposé. Hein, de le boycotter, wa hajro. Hein, de le détester, Bordeaux, hein, de le détester, de boycotter quiconque s'érige en allié pour lui, hein, de boycotter celui qui va venir, hein, donc être un allié pour cette personne, hein, qui sera un allié pour lui, le soutient, le défend, ou bien est un ami pour lui, hein, quoi que celui qui le commet manifeste de la sunna. Wa in kana mudhiran li sunna. Même si un tel, il prétend que lui, il est sur la sunna, mais il est un allié d'un innovateur. Tulhiqhu bihi. Après lui avoir donné le conseil, après lui avoir donné le conseil et qu'il ne retourne pas, tulhiqhu bihi. Tu vas lui donner le même jugement que l'autre. Parce que, al-mar'o, bi khidni. C'est-à-dire celui qui fréquente quelqu'un, donc c'est qu'il agrée, surtout lorsque tu lui donnes le conseil, lui il va donc continuer à fréquenter telle personne, etc. Comme il est dans un atar de l'imam Ahmed, lorsqu'il lui a dit un tel il fréquente les gens d'innovation, qu'est-ce que je dois faire avec lui, il lui a dit tu dois l'aviser d'abord, tu dois lui montrer le hal, le statut de telle personne, et s'il ne veut pas revenir, tu vas lui donner le même jugement. Très bien. Après ces citations que le cheikh il a rappelées, il a dit, le cheikh, les pieux prédécesseurs avaient mis en garde contre le fait de lire dans les livres des gens d'innovation. Ils ont fermé cette porte. Ils ont dit qu'il ne faut pas, donc qu'il ne s'agit pas de lire dans les livres des gens d'innovation. Et donc là, avant de vous lire les citations, aussi donc rappelées par le cheikh, je rappelle pour ne pas oublier que donc là, il a un délire. Lorsque Omar radiallahu anhu, il a apporté donc une page, hein, une feuille, donc écrite par un juif, hein, et il venait donc demander l'avis du prophète, alayhi wa sallam. Le prophète, il lui a montré qu'il ne s'agit pas de lire dans ses livres, hein. Que dire que des gens maintenant, ils ouvrent leur cœur pour regarder les débats entre musulmans et chrétiens, hein. Ou bien donc ils veulent donc regarder des débats avec les rawafid ou regarder ces choses. Donc là, ces choses ne doivent pas être exposées, hein, aux gens, au public, au grand public. Mais ça doit être dans un cercle restreint et selon des conditions, non pas en se résignant aux conditions des mécréants, le Nasara ou les mécréants rawafid et ainsi de suite. Mais dans des conditions. Dans des conditions, peut-être qu'on va les rappeler, inshallah ta'ala. Donc là, il y a des conditions. Lorsqu'il s'agit donc de gens, par exemple, le Khawarij, lorsque Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a fait le débat contre les Khawarij, c'était devant les murs des croyants et qui étaient Ali. Hein? C'est-à-dire, c'est dans ces circonstances, non pas, c'est-à-dire, sans condition. C'est-à-dire que par la suite, donc l'émir des croyants, hein, le Hakim, il va donc juger. Et après cela, donc il va prendre une décision. Parce que ces gens, ils n'ont pas accepté le haq. D'accord? Mais venir, donc, échanger, etc., ils rendent des musulmans malades, hein, par les innovations. Là, c'est une chose, donc, il s'agit de retourner chez les gens de science pour demander est-ce que la chose est faisable ou non. Hein? Cette chose qui, donc, ouvrir des débats avec les chrétiens notamment ou avec les rawafid, ça c'est une chose qui est, en règle de base, elle est interdite, et lorsque elle est permise, c'est dans des conditions, avec des conditions. Hein, j'ai vu donc des gens qui s'adonnent à ces choses, hein. Et derrière lui il y avait Salib. Hein, le musulman, lorsqu'il parle, derrière lui il y a Salib. Hmm? Là, c'est une chose à laquelle il doit réagir. Il est en train donc de débattre dans une église, hein, et donc il est filmé, donc que derrière lui, lorsque lui il prend la parole, il y a Salib derrière lui. Hein. Moi, j'essayais donc de sauter, d'aller juste de voir qu'est-ce que le musulman il dit lorsqu'il parle, mais lorsqu'il parle, je voyais que déjà il y avait derrière lui Salib. Derrière lui, il y avait la croix. Hein, donc là, c'est grave. Il s'agit d'imposer aussi donc des conditions, au moins donc des conditions de neutralité, qu'il n'y ait pas derrière moi Salib lorsque moi je parle. Hein? Wallah al-musta'an. Ces gens donc parce qu'ils ne retournent pas aux gens de la sunna ou les gens de science, ils ne demandent pas l'avis des gens de science, ils tombent dans des erreurs comme cela que nous on remarque. Donc et si les gens de science ils vont écoutez ce qui est dit dans ces conférences, vont relever beaucoup de choses, d'autres choses. Donc là, le Cheikh, hein, donc Hafidahullah, il a rappelé aussi ces citations. Al-Fudayl ibn Iyad, ou bien Al-Fudayl ibn Ziyad, puisque il y a, donc tout à l'heure on a cité aussi Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Ziyad, hein, donc c'est-à-dire dans cette optique de ne pas lire les livres des gens d'innovation. Al-Fudayl ibn Ziyad dit, j'ai interrogé Aba Abdillah, hein, kunyat Aba Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed. J'ai interrogé Aba Abdillah, c'est-à-dire Ahmed, hein, au sujet de Al-Karabisi et ce qu'il manifesta. Il a tourné le visage. Hein, il a tourné le visage d'abord. Lorsqu'il a été interrogé sur cet homme, regardez, réaction du corps. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre, hein, le fait donc de boycotter les gens d'innovation et de les détester. Hein. Donc là, il a tourné le visage, puis il dit, hein, leur épreuve est venue de ces livres qu'ils ont composés. Innama utu min hadihi al-kutub allati allafaha lahum ha'ula. Donc là, il y a des gens qui ouvrent leur cœur, malheureusement. Les cœurs sont des récipients. Hein. Donc lorsque vous allez ouvrir le cœur devant un innovateur, même si vous vous dites, mais j'ai une raison, je suis en train de, donc de, de savoir qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas. Non, hein, c'est pas ça la voie des gens de la sunna. Parce qu'il y a des choses qu'on va prendre malgré soi. Malgré soi, on va les prendre. Hein, et on va. Donc, si on écoute ces gens, sauf si on a la capacité de critiquer tel document, par exemple, de regarder tel document et de le critiquer et de le fermer. Pour un usage pointu, hein, donc de critiquer. Et ça, c'est pour Tolab ou, bien sûr, pour les savants en premier. Donc là, il a tourné le visage. Puis il dit, leur épreuve est venue, hein, de ces livres qu'ils ont composés. Ils ont abandonné les textes du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont eu, hein, de l'engouement pour ces livres. Ils ont délaissé la sunna. Et ils se sont donc adonnés à ce genre de livres. Hein. Et donc là, fin de citation. Al-Ma'rifa wa Tarih. Hein, donc le volume numéro 3, page 494. Voilà. Deuxième citation. Ahmed, rahimahullah, dit également, prenez garde de ne rien noter, hein, peu ou prou. C'est-à-dire que ce soit petite chose ou bien une grande chose, hein, des gens des passions. La taktubu an ahli al-ahwa'i shay'an. Hein, prenez garde de ne rien noter, hein, que ce soit petit ou grand, hein, des gens de passion. Tenez plutôt aux gens des asar et des sunan. Hein, tenez plutôt aux gens des asar et des sunan. As-Siyar, le volume numéro 11, page 321. Ibn Abi Hatim, troisième citation, dans le fait de ne pas regarder dans les livres des innovations, Ibn Abi Hatim dit, j'ai entendu mon père et Abu Zur'a, hein, ordonnant de boycotter les gens des déviances et d'innovations. Hein, ils ont ordonné, c'est-à-dire Abu Hatim lui-même, Abu Hatim, ça c'est Ibn Abi Hatim qui rapporte, Abu Hatim et Abu Zur'a. J'ai entendu Abu Hatim et Abu Zur'a, c'est-à-dire son père et Abu Zur'a, ordonnant de boycotter les gens des déviances et des innovations. Il le faisait très au sérieux. C'est-à-dire ça, il prenait cette chose, c'est-à-dire de boycotter les gens d'innovation, il prenait cela avec beaucoup de sérieux. Il blâmait le fait de composer des livres selon un avis, hein, en dehors des afar, les textes rapportés. Il interdisait de s'asseoir avec les gens de Al-Kalam. Les gens de Al-Kalam, c'est les Mu'tazilites, les Jahmites et puis les Ash'aris. Ce sont des gens de Al-Kalam et ainsi que des groupes similaires tels que le Maturidi et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ont été connus par le fait de vouloir carrément ne pas accepter l'asma wa sifat, tel que le Jahmiya et tel que donc le Mu'tazila, ils n'ont pas accepté as-sifat. Ils ont reconnu l'ism, ils l'ont vidé de as-sifa. Hein, ils ont dit par exemple Allah sami'un bila sami'. Hein, regardez cette contradiction où sont tombés des gens, ces gens qui prétendent qu'ils sont des gens donc de science et des gens instruits ainsi de suite. Ils ont dit sami'un bila sami'. Comme lorsque un homme de science, il les a critiqués, il lui a dit ahmaq al bashar. Hein, est-ce que tu acceptes qu'on qualifie même ton père donc de quelqu'un qui est tawilun bila tawlin, yatakhallaluhu al-qisar, et ainsi de suite. Donc lui a dit, hein, toi tu as osé faire cette chose, hein, avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu as osé dire ces mots à l'égard d'Allah azza wa jal, que dire que si quelqu'un il va donc décrire ton père comme cela, hein, ya ahmaq al-bashar, il l'a qualifié d'homme le plus fou dans le monde, hein, le plus fou. Donc là c'est les Jahmites, hein, les Jahmites et les Mu'tazilites, les Mu'tazilites qui ont eu cela, alors que les Jahmites ils ont figé عطل الأسماء والصفات. Les Mu'tazilites ils ont fait donc تعطيل pour les صفات. Les Ash'aris ils ont essayé donc de tromper, donc de dire nous on interprète c'est awwalu هذه الصفات لا نثبتها هكذا بدعوى التنزيه. Alors que s'ils avaient tanzih, vraiment, c'est d'accepter ma qala Allah Azza wa Jalla parce que c'est un livre qui est clair. Alhamdulillah. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Ibn Abi Hatim, hein, il a rapporté de son père et de Abba Zura que donc il prenait cette chose de boycotter les gens d'innovation avec beaucoup de sérieux. Il blâmait le fait de composer des livres selon les avis, les avis, les opinions, en dehors des athar, les livres qui sont composés comme cela, il n'acceptait pas de les lire. Il n'acceptait pas que les gens les lisent, hein. Ils interdisaient de s'asseoir avec les gens de l'kalam, hein, la logique grecque et la dialectique, hein, ou de regarder dans leurs livres. Ils disaient, un homme de kalam ne réussira jamais. La yuflihu, yani rajul yata'ata al-kalam. La yuflihu abadan, hein. Un homme de kalam ne réussira jamais. Sharh i'tiqad ahl sunna al-jama'a de al-alika'i, page 322. Hein. La page 322. Très bien. Peut-être qu'on va marquer une petite pause avant de continuer pour que donc l'audio ne soit pas très long. Alhamdulillah.